te faire connaître mon désir par tous les moyens, te faire oublier de dormir et par un soupir t'inviter à me suivre. Pour voir grimper tout là où l'amour est si beau. Ne dis rien, laisse-moi faire ta connaissance. De mes mains, te faire apprécier mes silences. Sur tes reins, toute la chaleur de ma présence, tu sais bien. Répondre aux folles exigences de mon corps et tendrement mes doigts caressent ton visage. Tout doucement avec tes idées de voyage, prends le temps de regarder se dessiner tous mes rivages pour pouvoir les yeux fermés t'abandonner sans être sage. D'un regard, je t'offre mon corps qui s'éveille au hasard de tes caresses qui me font belle. Je te sens fondre sur moi comme du miel et soudain je me retrouve, je me sens celle que tu voulais. On se retrouve tous les